commande toute substance, tout poison envoyé dans ton corps de façon spirituelle. Ça sort de ton ventre, ça sort de ton aile. Ton nom de Jésus, commande, commande. Commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez. Avec la main sur ton ventre, avec la main sur ton ventre, que tout poison, tout esprit qui injectait des substances et des poisons dans ton corps, dans ton être, et puis touchant ta santé, que ça sorte maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Comment avec la main sur ton ventre, comment quel qu'en soit ce que vous allez avaler, ça doit sortir. Tout ce dont ils vous ont donné, vous avez mangé, commandez que ça sorte. Que toute maladie, toute substance qui vient du monde des ténèbres et qui se trouve en toi, dans ce ventre, dans ton corps, que ça sorte au nom de Jésus de Nazareth. Que tes entrailles soient bouchées, je commande que ça s'ouvre maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que tes trompes soient bouchées, je commande maintenant que toute substance mise dans tes entrailles, au nom de Jésus de Nazareth, que ça s'ouvre, que tes entrailles s'ouvrent, que ton ventre s'ouvre. Toute substance qui bloquait quoi que ce soit dans ton corps, que ça sorte au nom de Jésus. Commandez, commandez, commandez, commandez. Au nom de Jésus, tout ce qui a été placé sur mon visage comme masque. Au nom puissant du Seigneur Jésus, commandez, commandez, commandez, commandez. Commandez, commandez, commandez, commandez, commandez. Au nom de Jésus, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez. Toute substance qui se trouve dans ton ventre, dans ton corps, envoyée par l'ennemi, coordonnée par l'ennemi, que ça sorte au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez. Toute substance, dans ton corps, dans le ventre. Au nom de Jésus de Nazareth, que ça sorte, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Commandez, commandez. Tout poison, toute substance dans ton corps, j'ordonne que ça sorte au nom de Jésus de Nazareth. Commandez, commandez, commandez. Commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, sortez. Nom de Jésus de Nazareth. Toute maladie et toute infirmité dans ton corps, envoyé par les démons, que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, commandez, commandez, commandez. Toute maladie et tout esprit dans ton corps, dans ton corps, dans tout ton système.

Au nom de Jésus de Nazareth. Ils entendent. À l'heure où nous prêchons, où nous parlons maintenant comme ça, ils entendent. Ils organisent même des représailles. Commandez à toute substance, à tout esprit qui manifeste vos vies. Ils sortent au nom de Jésus. Commandez. Tout esprit qui manifeste vos vies. Commandez-le de quitter. Il ne va plus vous toucher. Au nom de Jésus. Commandez. Tout esprit qui manipule vos vies, qui est là, qui manipule vos vies. Nom de Jésus de Nazareth, que ça se lâche. Commandez. Vous avez l'autorisation dans le nom de Jésus. Toute puissance qui régnait dans ton corps, dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui se place dans la vie, c'est dans la vie de la sorcellerie. Je vous commande maintenant de sortir de l'esprit, de la dimension esprit, de la magie. Je vous commande au nom de Jésus, de vous arrêter. Au nom de Jésus, toute puissance démoniaque, toute autorité qui contrôlait ta vie, on les chasse maintenant au nom de Jésus. Priez maintenant. Troisième phase, prions. Toute puissance. Prie. Prie. Au nom de Jésus, tout esprit, que c'est ma vie, que Au nom de Jésus, je vous prie. Commandez l'autorité et l'autorisation de l'être accordé. Commandez. Nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance, toute autorité, tout esprit méchant, tout démon qui régnait dans ta vie, qui était délégué dans ta vie, commandez. C'est la fin aujourd'hui de leur activité dans vos vies. Aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin de leur activité dans vos vies. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Commandez. Toi, puissance de sorcellerie, toi, puissance ébrue, toi, puissance des ténèbres, je te ordonne de quitter ma vie au nom de Jésus Christ. Je te chasse de ma vie au nom de Jésus. Commandez. Ne toucheront plus ta vie, ni ta santé, ni ton corps, ni ton âme, ni tes études, ni ta maison. Au nom de Jésus, dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Comment? Quel qu'en soit là où l'esprit se trouve sur cette planète, que ce soit hors de cette planète, ils en gardent au nom de Jésus de Nazareth, ils vous lâchent. Nom de Jésus.